les autres qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû. » Mon oncle Pierre, plus tard en soirée. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Et vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, qui vient tout juste d'arriver. Vous savez qu'on a une tempête ce soir, et c'est un peu compliqué. Mais nous sommes là, et nous avons préparé une émission avec deux bonnes heures de bon rock progressif. Et on aura, comme je le disais la semaine dernière, une pièce prog de Noël. C'est la pièce de Big Big Train. Ils ont sorti un EP et il y a également une vidéo qu'on peut voir sur YouTube qui accompagne là, donc cette pièce simplement intitulée Merry Christmas. Alors on aura cette pièce-là. On a également Samurai of Prague. C'est pas une nouveauté, c'est sorti cette année en 2017. C'est un des bons disques de Samurai of Prague. Et pour ceux qui ne savaient pas, il y a un nouveau disque là, qui va sortir. Normalement qui a été produit cette année aussi, mais qu'on n'a pas reçu encore, et de Samurai of Prague. Mais là, pour ce soir, on écoutera la pièce Ghost Written. Mais tout d'abord, la nouveauté du groupe de Montréal, Amadriade. Amadriade, qui ça faisait quand même plusieurs années là, qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Leur dernier album, Intrusion, datait de 2010. Alors, The Black Hole, c'est leur nouvel album. On aura la pièce Peaceful Exit. Ça part sur les chapeaux de roue, là. Vous allez voir que ça brasse pas mal, plus que le précédent, je trouve. Mais c'est déjà là, les gens l'aiment beaucoup. Il est assez rock. C'est un bon Amadriade. Bien content de savoir que ce groupe-là est toujours actif. Donc on commence avec Amadriade ce soir, de tiré de The Black Hole, Peaceful Exit. Ben ensuite, comme je le disais, Samurai of Prague et Big Big Train. I barely can see. I could run away out the world, but now I'm still waiting.

light. In between the lines, I find your divine grace, your parting gift to me, here to read inside of our resonating story, skipping space and time. Find your words forever to mine. Writing through the ages, a sequel to your song. Inheriting your memory, you live on. And turn the page, another day. But not the real cost. Is the true meaning of Christmas lost? There aren't enough hours in a day. When did the ringing of tills drown the feeling of bells? Who cares as long as the products sell? What wouldn't you give to believe again, like you believed back then? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. give a little peace, joy, love, and light to the world. Le temps des fêtes et ses traditions. La famille, l'accordéon de mon oncle Pierre, les cadeaux qui te font dire « Oh, t'aurais pas dû », puis les autres qui te font dire « Ah, oh, t'aurais pas dû ». Mon oncle Pierre, plus tard en soirée. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Ici Agnès Maltais, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite de vivre un très joyeux Noël avec vos proches. Que ces festivités soient pleines de rencontres, de plaisir, d'amour et d'amitié. 2018 sera une année politique très chargée, année électorale. J'espère que nous saurons tirer le meilleur de nous-mêmes pour le bien de ce Québec où il fait bon vivre et grandir. Je vous souhaite donc un joyeux Noël et une bonne année 2018. Et de retour, ce qu'on avait entendu juste avant la pause, c'était la pièce Merry Christmas de, Big Big Train, ce groupe britannique. Comme vous savez, ils ont fait paraître deux albums déjà cette année, Grimms Pond et son petit frère. Puis là, ben, y a ce EP qui paraît, donc Merry Christmas, avec une vidéo que vous pouvez visualiser sur YouTube. Pardon. Alors, juste avant, il y avait eu Samurai of Prague qui ont fait un très bon album cette année, On We Sail, et c'était la pièce Ghost Written. Et moi, je trouve que c'était leur meilleur là, jusqu'à maintenant. Et puis, il y en a un autre qui mais finalement, il va paraître seulement en 2018, j'ai bien l'impression. Qui est comme un paquet d'archives là, qui avait des pièces qui avaient été mises de côté. Donc le titre est conséquent, là, je vous le prononcerai pas, mais parce que c'est pas évident à prononcer. Mais d'ailleurs, ça m'amène à vous dire que si vous voulez voir le contenu de nos émissions, donc les titres exacts là, des pièces qu'on fait jouer, également les liens vers nos podcasts, c'est sur notre site web www.terraincognita tout d'un mot. Québec, dans la section radio. Vous entendrez également parler, vous pourrez lire et vous informer sur les groupes qui seront au Festival Terra Incognita cette année, également Eden Song, puisque Eden Song est produit par le Centre d'art La Chapelle en collaboration avec Terra Incognita. Eden Song qui seront en spectacle le 15 avril. Pour Terra Incognita, c'est les 18, 19 et 20 mai prochains. Il y a ELP Project, Emerson, Lake and Palmer, le vendredi 18 mai. Ensuite, le 19, il y a Circus, un groupe de la région de Trois-Rivières, et également le groupe norvégien Wobbler. Et il y a un autre groupe qui va être annoncé éventuellement. Également, le dimanche, le 20 mai, présentement, il y a Cellar Noise, le groupe italien, qui est annoncé, et il y aura également deux autres groupes qui seront annoncés dans les prochaines semaines. Également, dans ce qui s'en vient, le 6 janvier, The Musical Box, au Grand Théâtre, avec The Black Show, Selling England by the Pound. Vous savez que The Musical Box est un des groupes québécois qui excelle pour rendre la musique de Genesis en spectacle. Également, les 19 et 20 janvier prochains, Prague Story, Jean-Paul Tardy au Collège Saint-Charles-Garnier. C'est donc des supplémentaires pour Prague Story. Le 19 janvier, il y a Morse Code l'Héritage, une avant-première au Collège Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin. Et les billets sont en vente. Le 9 février, Uriah Heep. Donc, c'est un des très rares spectacles qu'ils ont donné à Québec. Au Palais Montcalm, le 9 février. Bon, le 10 février, Steve Hackett, c'est complet. Ensuite, le 30 mars, il y a House, ou Huit en français. Ça, c'est au Cercle. Ça vient d'être annoncé cette semaine. Faut pas manquer ça, là. C'est un groupe de Montréal. Ils ont fait deux albums. Il y a Neil Morse qui a été annoncé le 18 avril. C'est un spectacle acoustique. Neil Morse qui présente en 2018 l'album Life and Times. Et donc, il fait un spectacle. C'est à Jean-Paul Tardy, présenté par la capitale du prog. Ensuite, il y a Stephen Wilson le 20 avril. C'est complet au Palais Montcalm. J'ai parlé de Terra Incognita. Il y a Arena le 26 mai au Cégep Garneau. Arena qui vient présenter le 20e anniversaire de l'album The Visitor et également leur nouveau disque au Cégep Garneau à l'auditorium. Et également à l'auditorium du Cégep Garneau, il y aura Marillion Script Revisited avec le Mick Pointer Band le 9 juin. Et ça fait des beaux cadeaux de Noël pour ceux qui cherchaient des idées là. C'est un peu dernière minute là, mais il y a toujours moyen d'acheter les billets en ligne et de faire plaisir à ceux qui veulent voir des bons concerts de rock progressif en 2018. On y va en musique avec Richard Schoblum. Je vous présentais tantôt Samurai of Prague. J'ai fait ma compilation des 15 albums. Malheureusement, Richard s'est retrouvé un peu plus loin que la 15e position, mais j'aime beaucoup son album paru cette année, On Our Journey to the Sun. On ira donc avec la pièce Of the Orb du disque 1, puisqu'il y a deux disques sur cet album. Le premier, des compositions originales de cette année, et quand ils sont parus cette année, et le disque 2, un Best of Gongfly, qui finalement maintenant il opère sous le nom de Gongfly, Richard Schoblum, en plus d'être dans Big Big Train. Et donc on écoutera cette excellente pièce. On aura également un second extrait du nouveau disque de Ziggy, qui est un album Ziggy est un groupe américain. Misconnected Man, c'est leur nouvel album. Ça va être donc un deuxième extrait de cet album je pensais pas entendre encore parler de ce groupe-là. Ça faisait déjà depuis 2009 qu'on n'avait pas entendu parler d'un nouvel album de Ziggy. Alors, on ira avec la pièce Bodhisattva. Voilà, de Ziggy, juste après Richard Schoblum. Mais on aura également Monarch Trail du Canada et leur excellent album Sand. On y va tout de suite en musique avec Richard Schoblum. Maybe this is all a dream. Do you miss them? Ask the healer. To which they each reply. Got my own way of seeing these things. I got my own way of dealing with these things. See the sun on the horizon, slowly setting. Paint our city red. Make way for the night, for the cinema show. Slowly dying. Tomorrow reborn, I feel the heat touching my soul. I feel the heat of the Stay with me carefully, I will be yours.

but I owe you everything. You are my Bodhisattva, and I think that you're saving me. We'll be right back. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Le Knockout, votre disquaire indépendant spécialisé en vinyle et en musique locale. Pour la période des fêtes, offrez des certificats cadeaux du Knockout et des commandes spéciales de Noël. Aussi, soyez prêts pour notre Boxing Day du 26 décembre dès midi avec plusieurs spéciaux et bas prix. Le Knockout, pour les vrais mélomanes et les passionnés de musique, au 832 rue Saint-Joseph-Est. Coué. Ce numéro d'hiver clôt bellement le 35e anniversaire du magazine Nuit Blanche avec en couverture la jeune romancière Innu, Naomi Fontaine. Un chant triste, sorte de cri du cœur, comparable au blues. La langue Innu presque chantée. Entre autres, dans ce numéro, une entrevue avec le poète-éditeur Rodney Saint-Éloi, le romancier nouvelliste américain Richard Ford et bon baiser du Groenland. Pour en savoir plus, nuitblanche.com. Et de retour, et ce qu'on a entendu, c'est le groupe canadien Monarch Trail, leur album, plus récent album paru cette année, Sand. Et c'était la pièce Charlie's Kitchen, une pièce instrumentale. C'est vraiment un groupe qu'il faut découvrir, Monarch Trail. Ils ont deux albums, et moi j'ai découvert ça cette année, puis franchement, très bon. Très, très, très bon disque. Juste avant, il y avait eu Sizigi. Donc, une formation américaine tirée de leur nouvel album Misconnected Men. Et, c'était la pièce My Bodhisattva. Et juste avant, Gongfly et Ricard Schoblum avaient débuté le bloc. Alors, on continue en musique avec un groupe italien, une formation spéciale, puisque ça tient un peu du classique mélangé avec le rock. La chanteuse a un style de chant qui est un peu opéra. C'est Universal Totem Orchestra, un album que j'ai découvert cette année, en tout début d'année, mais c'est paru en 2016. J'avais mis ça dans ma compilation de 2017 des 15 meilleurs albums. Là, j'ai réalisé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a fait réaliser que c'était paru en 2016. Donc, c'est sur l'étiquette Black Widow. Vous savez que cette étiquette-là, il y a toujours des superbes albums qui vont devenir des classiques, là, comme on dit, des masterpieces en anglais. Et ça en est un pour moi, en tout cas. Donc, Mathematical Mother. Et on ira à la pièce Terra Cava. Et ensuite, on va enchaîner avec un autre de mes coups de cœur là, de cette année. Et vous le savez, puisque j'en ai fait jouer souvent, Capricars Constant du Royaume-Uni. C'est leur second album. Je ne les avais jamais connus avant. Michel nous a fait découvrir ça au mois de mars, quand c'est sorti. Fate Outsmarts Desire, c'est le titre de l'album. Et on aura un extrait de la pièce Houdini, King of Cards. Mais tout d'abord, Universal Totem Orchestra.

Thank you.

Though there was no proof that Harry Houdini could or could not escape the great beyond, he will always remain the greatest escape artist of all time. Le Knockout, votre disquaire indépendant spécialisé en vinyle et en musique locale. Pour la période des fêtes, offrez des certificats cadeaux du Knockout et des commandes spéciales de Noël. Aussi, soyez prêts pour notre Boxing Day du 26 décembre dès midi avec plusieurs spéciaux et bas prix. Le Knockout, pour les vrais mélomanes et les passionnés de musique, au 832 rue Saint-Joseph-Est. District 7 Productions et Caravane présente la Caravane des Fêtes 4, la messe de minuit. Caravane donnera un spectacle unique pour le temps des fêtes. Le rock'n'roll est mort, vive le rock'n'roll! Groupe invité Arfan et Mort Rose. Mercredi le 27 décembre à la Nef, 190 rue Saint-Joseph-Est. Les portes ouvrent à 20h et le spectacle est à 21h. Service de bar sur place et alcool à prix festif. Fin de soirée avec les DJ terribles. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20$ sur lepointdevente.com et sur ExoShop. De retour, et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Capricorn's Constant, un groupe du Royaume-Uni. Vous avez peut-être reconnu le son de saxophone de David Jackson. C'est effectivement le cas. Il joue sur tout cet album, puisque c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas. C'est sa fille, donc la fille de Dave Jackson de Vandergraaf Generator, qui chante dans ce groupe. Donc Capricorn's Constant, leur second album, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes coups de cœur de l'année, absolument. Fate Outsmarts Desire, c'était un extrait de la pièce Houdini, King of Cards. C'est la pièce là qui termine l'album, qui fait 21 minutes 26. Et juste avant, il y avait eu de l'Italie, Universal Totem Orchestra, tiré de Mathematical Mother et la pièce Terra Cava. On va poursuivre maintenant avec Steve Hackett. Comme je vous le disais, on va pouvoir voir encore un excellent spectacle avec Steve Hackett le 10 février prochain au Palais Montcalm. Et on parle ici de son plus récent album paru cette année, The Night Siren. On ira avec la pièce 50 Miles from the North Pole, qui est finalement la pièce qui fait référence à ce qu'on voit sur la pochette là, avec les aurores boréales près du pôle Nord. On ira également avec le groupe québécois Myriodor, tiré de leur album Signal 9, paru cette année. Et la pièce Chapelle Lunaire, là, c'est vraiment, vous allez voir, c'est tout à fait expérimental et jouissif à la fois. Et également le groupe italien Maxophone, qui faisait un retour après 40 ans avec l'album paru cette année, La Fabrica delle Nuvole. On aura la pièce titre de cet album et on terminera avec PFM qui avait réalisé un album Da Mozart, In Celebration in Classic. Et la pièce La Luna Nuova. Moi, je trouve que c'est très festif et ça va avec ce temps des fêtes et Noël. Alors, on y va avec ce doublé italien et le groupe québécois et également. Pour débuter, Steve Hackett. Thank you. We'll be right back.